Bonsoir à toi, téléauditeur qui m'écoute à travers ton moyen d'audiodiffusion préféré. Sixième épisode, c'est bon ça. Bon, dans mon dernier épisode de podcast, j'ai fait mon intention war. J'ai ruminé pendant la nuit et je me suis dit, si je commence à m'énerver, c'est que je suis sans doute mon propre némésis. T'as vu, là j'ai fait des notes et ça va un peu mieux. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le terme de némésis, le némésis c'est le pire ennemi dans une œuvre. Autant elle peut être aussi puissant que le héros, comme Moriarty et Sherlock Holmes, autant elle peut avoir un lien très fort avec lui, comme Harry Potter et Voldemort, autant un ennemi récurrent, comme Xana dans Code Lyoko, ou il peut être l'opposé de l'héros. Bon, là, j'ai pas vraiment d'exemple en tête, mais c'est pas grave. Cela pose une question. L'homme avec un grand H ou la femme avec un grand F est-elle ou est-il le héros de sa vie ? À cette question, il peut y avoir plusieurs réponses possibles. Si on prend le héros au sens mythologique, il est le fils d'un dieu et d'un humain. Il inspire déjà une certaine classe, une certaine force. Le héros médiéval, lui, fait tout pour être aimé, avec des histoires où ses aventures, plus c'est gros, mieux ça passe. Et puis vient l'héros contemporain, celui qui n'a pas envie de s'appeler héros, mais aventurier. Le point commun avec tous ces personnages, c'est qu'on peut raconter une légende, leur légende. Mais est-ce que toute personne a aussi sa légende à écrire, sa vie, aussi banale qu'elle puisse être ? Peut-on dire que l'anti-héros, c'est qu'un héros qui a choisi l'admiration de lui-même ? Ou est-il dans un carcan où il se complaît et qu'il faut un élément perturbateur pour que lui-même devienne un héros ? Maintenant qu'on a défini les mots de némésis et d'héros, on peut se poser la question, suis-je mon propre némésis ? La question est assez vicieuse car si le némésis existe et pourrait être vaincu, si là il y a deux cas de figure, soit on se suicide et là le némésis et le héros meurent, soit ça veut dire qu'on a passé un cap, qu'on a sans doute abandonné des attitudes toxiques pour nous et pour les autres, mais du coup nous nous battons encore contre nous-mêmes, qui nous sommes si bien encroûtés dans notre nouvelle réalité avec nos nouvelles habitudes. Et puis là encore deux cas de figure. Si on se bat encore contre soi, ça veut dire que notre némésis est encore vivant, parce que notre ennemi c'est encore nous. Soit on a buté notre némésis et on devient narcissique, on devient ce que j'ai dit un petit peu plus tôt, ce anti-héros. On va s'aimer pour ce que l'on est devenu et éventuellement on va se détester pour ce que l'on a été ou pour ce que l'on est devenu, c'est-à-dire quelqu'un d'autre et pas celui qu'on a voulu être. Mais on peut aussi avoir la volonté de devenir quelqu'un d'autre. Est-ce réalisable ? Est-ce un problème de personnalité ? Sommes-nous conscients vraiment de ce que nous sommes en tant qu'individus ? Est-ce que c'est une question de lâcher prise si nous souhaitons changer de notre bulle de confort et de nos habitudes ? Plus je vous parle, plus j'ai l'impression que ce n'est pas une question de némésis, mais plus de maturité, d'évolution d'idées, de mœurs ou de la société. Nous sommes devenus ce que nous sommes grâce à la société et la place qu'elle a éventuellement pu nous donner ? Est-ce lié à notre cercle d'amis ? Est-ce lié à la place qui nous revient de fait grâce à nos passions, à nos envies, à nos méta-obsessions, à notre logique, à notre méta-communication, à notre communication ? Bonne question. Et ça me fait déjà penser à quelques œuvres que j'ai pu lire comme Hello Focutopia de Souillon, le dessinateur de la BD Maliki, aux éditions Ankama. Je ne raconterai pas l'histoire, ça pourrait vous spoiler et vous dire pourquoi cette œuvre en particulier. J'ai aussi pensé à des œuvres qui mettent le héros principal ou secondaire dans une autre classe sociale. Je pense à Wanted, Choisis ton destin, un film de 2009 ou 2008 avec Angelina Jolie et Morgan Freeman. Ou Kingsman, Service secret avec Colin Firth et Samuel L. Jackson. Ce sont des œuvres où une personne est élevée dans un milieu qui ne pensait pas ou plus rejoindre en butant un némésis. Bon, d'accord, il y a d'autres films, mais ce sont les seuls qui me reviennent en tête en ce moment. Je crois qu'il est bon pour moi de partir, simplement pour un petit peu réfléchir sur ce que je pourrais dire la prochaine fois et vous réfléchir un petit peu à ce que je viens de dire. Je vous dis à très bientôt sur Podcloud et aussi sur mon blog, et à plus tard sur Twitter, je suis Damien Blog, B-L-O-G-E. Voilà, à bientôt.